quelque chose. Dans une forme nécessaire. Transpire-moi sur ta rose. Délivre-moi tes lèvres. Je suis trop dure avec toi, en vrai tu le fais très bien. Oui, voilà. Je suis trop dure avec toi, Tony. Il faudrait que je sois un peu plus. Faut que je lâche du zèle. Non, comment c'est quoi l'expression? Lâcher du sel? Non, je sais.